c'était le truc qu'il fallait. Passage. Ça va pas avec mon harmonica. Thank you. You can support a person that sits with an eye on your tongue. Merde, ça marche plus. Cool note. Ok, ok, t'énerve pas. T'énerve pas avec. Ah, mais j'ai compris. Charlie, nous avons un problème. Attends, c'est un problème comme d'habitude. C'est un problème. Je crois bien que ça ne marche plus. C'est Karma qui m'a donné. Karma, au fait, machine, tu sais comment on synchronise, parce que ça synchronise pas bien. J'arrive pas à le synchroniser. Il synchronise pas bien, quoi. Je comprends pas pourquoi. J'ai plus de son de basse. Thank you. Basse comme ça là. Ce soir, ce disco. Allez, on tape tous dans les mains et tous à poil. Yeah. On arrête de taper dans les mains. Thank you. JP, fais péter la batterie. Fais-moi la batterie sur ton synthé pour voir. Tu dois avoir le sens du rythme. Telle qu'une bonne boîte à rythme bien carrée. Ouais. ça. Il doit y avoir quelque chose pour bien synchroniser. Le caramel a pas le temps de me dire et c'est barré. You're so